à vous, ces vers, du fond de ma détresse violente. C'est qu'hélas, le hideux cauchemar qui me hante n'a pas de trêve et va furieux, fou, jaloux, se multipliant comme un cortège de loups et se pendant après mon sort qui l'ensanglante. Oh, je souffre affreusement, si bien que le gémissement premier du premier homme, chassé d'Éden, n'est qu'une églogue au prix du mien. Et les soucis que vous pouvez avoir sont comme des hirondelles sur un ciel d'après-midi, cher, par un beau jour de septembre attiédi. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram. Section 8 de Poète maudit. Il bacio. Par Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Baiser, rose trémière au jardin des caresses, vif accompagnement sur le clavier des dents, des doux refrains qu'amour chante en les cœurs ardents, avec sa voix d'archange aux langueurs charmeresses. Sonore et gracieux baiser, divin baiser, volupté non pareille, ivresse inénarrable, salut! L'homme, penché sur ta coupe adorable, si grise d'un bonheur qu'il ne s'est épuisé. Comme le vin du Rhin et comme la musique, tu consoles et tu berces, et le chagrin expire avec la moue en ton pli purpurin. Qu'un plus grand, Goethe ou Will, te dresse un vers classique. Moi, je ne puis, chétif trouvère de Paris, t'offrir que ce bouquet de strophes enfantines. Sois bénin, et pour prix, sur les lèvres mutines d'une que je connais, baiser, descends et ris. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram. Section 9 des Poètes maudits. Cauchemar de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org par Françoise. Cauchemar. J'ai vu passer dans mon rêve, tel l'ouragan sur la grève, d'une main tenant un glaive et de l'autre un sablier, ce cavalier. Des ballades d'Allemagne qu'à travers ville et campagne, et du fleuve à la montagne, et des forêts au vallon, un étalon. Rouge flamme et noir d'ébène, sans bride, ni mort, ni reine, ni hope, ni cravache, entraîne parmi des râlements sourds, toujours, toujours. Un grand feutre à longue plume ombrait son œil qui s'allume et s'éteint. Tel, dans la brume, éclate et meurt l'éclair bleu d'une arme à feu. Comme l'aile du nord frais qu'un subit orage effraie, par l'air que la neige raie, son manteau, se soulevant, claquait au vent, et montrait d'un air de gloire un torse d'ombre et d'ivoire, tandis que dans la nuit noire luisait en des cris stridents 32 dents. Fin du poème. Ce poème fait partie du domaine public. Section 10 de Poète maudit. Soleil couchant, par Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie berce de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves, comme des soleils couchants sur les grèves, fantômes vermeils défilent sans trêve, défilent pareils à des grands soleils couchant sur les grèves. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Nathalie Mussard. Section 11 de Poète maudit. Crépuscule du soir mystique, par Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Le souvenir avec le crépuscule rougeoie et tremble à l'ardent horizon de l'espérance en flamme qui recule et s'agrandit ainsi qu'une cloison mystérieuse où mainte floraison dahlia, lys, tulipe et renoncule s'élance autour d'un treillis et circule parmi la maladive exhalaison de parfums lourds et chauds dont le poison dahlia, lys, tulipe et renoncule noyant mes sens, mon âme et ma raison mêlent dans une immense pâmoison le souvenir avec le crépuscule. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Nathalie Mussard. Section 12 de Poètes maudits. Sub urbe de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Les petits ifs du cimetière frémissent au vent yémal dans la glaciale lumière, avec des bruits sourds qui font mal, les croix de bois des tombes neuves vibrent sur un ton anormal. Silencieux comme les fleuves, mais gros de pleurs comme eux de flots, les fils, les mères, elles veuves, par les détours du triste enclos, s'écoule lente théorie au rythme heurté des sanglots. Le sol sous les pieds glisse et crie. Là-haut, de grands nuages tors s'échevellent avec furie. Pénétrant comme le remords, tombe un froid lourd qui vous écœure et qui doit filtrer chez les morts, chez les pauvres morts, à toute heure seuls, et sans cesse grelottant, qu'on les oublie ou qu'on les pleure. Ah, vienne vite le printemps, et son clair soleil qui caresse, et ses doux oiseaux caquetants. Refleurisse l'enchanteresse gloire des jardins et des champs, que l'âpre hiver tient en détresse. Et que, des levées au couchant, l'or dilaté d'un ciel sans bornes, berce de parfums et de chants, chers endormis, vos sommeils mornes. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise. Section 13 de Poètes maudits. Dans les bois de Paul Verlaine, enregistré pour LibriVox.org. D'autres, des innocents ou bien des lymphatiques, ne trouvent dans les bois que charme langoureux, souffle frais et parfum tiède, ils sont heureux. D'autres s'y sentent pris, rêveurs, d'effroi mystique, ils sont heureux. Pour moi, nerveux, et qu'un remords épouvantable et vague affole sans relâche. Par les forêts je tremble, à la façon d'un lâche qui craindrait une embûche ou qui verrait des morts. Ces grands rameaux jamais apaisés, comme l'onde, d'où tombe un noir silence avec une ombre encore plus noire, tout ce morne et sinistre décor me remplit d'une horreur triviale et profonde, surtout les soirs d'été. La rougeur du couchant se fond dans le gris bleu des brumes qu'elle teinte d'incendie et de sang. Et l'angélus qui tinte au lointain semble un cri plaintif se rapprochant. Le vent se lève, chaud et lourd, un frisson passe et repasse, toujours plus fort, dans l'épaisseur toujours plus sombre des hauts chênes, obsesseurs, et s'éparpille ainsi qu'un miasme dans l'espace. La nuit vient, le hibou s'envole, c'est l'instant où l'on songe au récit des aïeules naïves. Sous un fourré, là-bas, là-bas, des sources vives font un bruit d'assassins postés se concertant. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Section 14 de Poète maudit. Nuit du Valpurgis classique de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. C'est plutôt le sabbat du second Faust que l'autre. Un rythmique sabbat, rythmique, extrêmement rythmique. Imaginez un jardin de le nôtre, correct, ridicule et charmant. Des ronds-points. Au milieu, des jets d'eau. Des allées toutes droites. Sylvain de marbre. Dieu marin de bronze. Ça et là, des Vénus étalées. Des quinconces, des boulingrins, des châtaigniers, des plants de fleurs formant la dune. Ici, des rosiers nains qu'un goût docte effila. Plus loin, des ifs taillés en triangle. La lune d'un soir d'été sur tout cela. Minuit sonne et réveille au fond du parc aulique un air mélancolique, un sourd, lent et doux air de chasse, tel, doux, lent, sourd et mélancolique, l'air de chasse de Tannhäuser. Des chants voilés de corps lointains, où la tendresse des sens étreint l'effroi de l'âme en des accords harmonieusement dissonants dans l'ivresse. Et voici qu'à l'appel des corps s'entrelacent soudain des formes toutes blanches, diaphane, et que le clair de lune fait opaline parmi l'ombre verte des branches. Un watteau rêvé par Raffet. S'entrelace parmi l'ombre verte des arbres d'un geste alangui, plein d'un désespoir profond. Puis, autour des massifs, des bronzes et des marbres, très lentement, dansent en rond. Ces spectres agités, sont-ce donc la pensée du poète ivre? Ou son regret? Ou son remords? Ces spectres agités en tourbe cadencée, ou bien tout simplement des morts? Sont-ce donc ton remords, ô rêvasseur qu'invite l'horreur? Ou ton regret? Ou ta pensée, hein? Tous ces spectres qu'un vertige irrésistible agite, ou bien des morts qui seraient fous. N'importe. Ils vont toujours, les fébriles fantômes, menant leur ronde vaste et morne, et tressautant comme dans un rayon de soleil des atomes, et s'évaporent à l'instant humide et blême, où l'aube éteint l'un après l'autre les corps. En sorte qu'il ne reste absolument plus rien, absolument, qu'un jardin de le nôtre, correct, ridicule et charmant. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise. Section 15 de Poète maudit. Le Rossignol de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Comme un vol criard d'oiseaux en émoi, tous mes souvenirs s'abattent sur moi, s'abattent parmi le feuillage jaune de mon cœur, mirant son tronc plié d'aune au teint violet de l'eau des regrets, qui, mélancoliquement coule auprès, s'abattent, et puis la rumeur mauvaise qu'une brise moite en montant apaise s'éteint par degrés dans l'arbre, si bien qu'au bout d'un instant on n'entend plus rien que la voix célébrant l'absente, plus rien que la voix, ô si languissante, de l'oiseau qui fut mon premier amour, et qui chante encore comme au premier jour. Et, dans la splendeur triste d'une lune se levant blafarde et solennelle, une nuit mélancolique et lourde d'été, pleine de silence et d'obscurité, berce sur l'azur qu'un vent doux effleure, l'arbre qui frissonne et l'oiseau qui pleure. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise. Section 16 de Poète maudit. La chanson des ingénues de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Nous sommes les ingénues, au bandeau plat, à l'œil bleu, qui vivons, presque inconnus, dans les romans qu'on lit peu. Nous allons entrelacer, et le jour n'est pas plus pur que le fond de nos pensées, et nos rêves sont d'azur. Et nous courons par les prés, et rions et babillons, des aubes jusqu'aux véprés, et chassons aux papillons. Et des chapeaux de bergère défendent notre fraîcheur, et nos robes, si légères, sont d'une extrême blancheur. Les Richelieu, les Caussades et les chevaliers Faublas nous prodiguent les œillades, les saluts et les « hélas ». Mais en vain, et leurs mimiques se viennent casser le nez devant les plis ironiques de nos jupons détournés. Et notre candeur se raille des imaginations de ces raseurs de murailles, bien que parfois nous sentions battre nos cœurs sous nos mantes à des pensées clandestins, en nous sachant les amantes futures des libertins. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram. Section 17 de Poète maudit. Monsieur Prudhomme de Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Il est grave, il est maire et père de famille. Son faux col engloutit son oreille. Ses yeux, dans un rêve sans fin, flottent insoucieux. Et le printemps en fleurs sur ses pantoufles brille. Que lui fait l'astre d'or, que lui fait la charmille où l'oiseau chante à l'ombre, et que lui font les cieux et les prés verts et les gazons silencieux. Monsieur Prudhomme songe à marier sa fille avec monsieur Machin, un jeune homme au cossu. Il est juste milieu, botaniste et pansu. Quant aux faiseurs de vers, ces vauriens, ces maroufles, ces fainéants barbus, mal peignés, il les a plus en horreur que son éternelle coryza. Et le printemps en fleurs brille sur ses pantoufles. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Isabelle Bram. Section 18 de Poète maudit. L'ombre des arbres dans la rivière embrumée, par Paul Verlaine. Enregistré pour LibriVox.org. Le rossignol, qui du haut d'une branche se regarde dedans, croit être tombé dans la rivière. Il est au sommet d'un chêne et toutefois, il a peur de se noyer. Cyrano de Bergerac. L'ombre des arbres dans la rivière embrumée meurt comme de la fumée, tandis qu'en l'air, parmi les ramures réelles, se plaignent les tourterelles. Combien, ô voyageur, ce paysage blême te mira blême toi-même, et que triste pleurait dans les hautes feuillées tes espérances noyées. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré par Herman Roskamps en France, décembre 2013. Section 19 de Poète maudit. Maline par Paul Verlaine.